LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors on est parti. Alors on va traverser la ménagerie. Attention aux chemises. C'est pas du tout le passage officiel. Peut-être Christophe Lavelle, vous commencez par nous dire où on est et où on va. On est au Jardin des Plantes. Historiquement, le Jardin Royal des Plantes Médicinales, puis un peu plus tard, Jardin du Roi, pour faire plus simple. C'est un bon départ pour faire de la science. Pour faire la science, c'est pas mal. Et on va rencontrer l'un de ces chercheurs. Un des illustres personnages de l'histoire du muséum, donc Jean-Baptiste Antoine Pierre de Monet, dit chevalier de la marque. Alors chevalier parce qu'il a des vagues faits d'armes pendant la guerre de 7 ans, enfin, ça a duré quelques semaines, et fort heureusement pour la pérennité de la science, il a laissé tomber cette carrière avortée militaire pour devenir botaniste d'abord, et puis zoologiste. C'est plutôt en très très mauvaise entente d'ailleurs avec Napoléon. Mais c'était plutôt le collectionneur compulsif des milliers de spécimens, donc de plantes au début. Il a créé un herbier qui aujourd'hui fait partie de l'herbier national qu'on a au muséum. Et il a été nommé responsable de la chaire, donc au moment où le muséum s'est structuré, de la chaire de ce dont on ne voulait pas d'une certaine manière, c'est-à-dire les invertébrés. Beaucoup moins nobles que les vertébrés évidemment. Et c'était une vraie opportunité, parce que les invertébrés, c'est 80% du règne animal. Et surtout, ça a l'avantage d'être des bestiaux qui sont quand même plus simples, et qui se reproduisent plus vite. Et c'est sans doute grâce à cette charge des invertébrés qu'il s'est retrouvé à, finalement, d'une certaine manière, découvrir la théorie de l'évolution. Parce que c'est lui le découvreur de la théorie de l'évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense systématiquement à Darwin, mais Darwin a 50 ans de retard, on va dire. C'est un peu sévère ce que je dis. Hein. Et attendez, pardon. On peut sortir aussi la porte. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des mots qui me fascinent. Le mot épigénétique fait partie de cela. C'est ouvert ? Autant le mot génétique me flanque la trouille, autant le mot épigénétique sonne plus cool. Comme une petite génétique sympa, contrôlable. À côté de la méchante génétique qui vous condamne à subir un destin inscrit dans vos gènes. Et puis, l'épigénétique, c'est tendance. Il y a ceux, scientifiques ou pas, qui pensent que manger mieux améliore nos chances épigénétiques. Il y a ceux qui supposent que nos profils épigénétiques, plus ou moins amochés, se transmettraient à nos rejetons. Il y a ceux qui cherchent à nous soigner à coups de drogue épigénétique. Il y a ceux qui tentent de déchiffrer les secrets de l'épigénétique en faisant pousser des tomates. Lamarck, dans sa théorie de l'évolution, à peine écrite, déjà ringardisée par celle de Darwin, Lamarck avait entrevu, seul contre tous, l'idée de ce qu'on appellerait un jour l'épigénétique. Je ne sais pas vous, mais moi, les losers, j'aime. Surtout quand l'histoire leur rend justice. Surtout quand c'est Christophe Lavelle, épigénéticien au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui la raconte. Pourquoi on commence à parler d'épigénétique avec Lamarck, alors qu'on pouvait imaginer l'avoir oublié? Parce qu'une certaine manière, c'est justement le développement récent de cette science épigénétique dont on va parler, qui a, on va dire, réhabilité cette pensée lamarckienne, puisque dans l'idée de Lamarck, il y avait bien sûr donc le processus d'évolution, vu que rien n'est fixe dans la nature, les espèces évoluent sur des temps qui sont des temps très longs. Épigénétique, quand l'ADN fait son intéressant. Une série documentaire de Franck Cuvelier, réalisée par Véronique Samuilov. Voilà, on est devant, ça y est, on est arrivé, hein, Lamarck, voilà, 1829. L'épigénétique passe à table. Il n'y a pas marqué sa naissance, mais c'est 1744. Donc quand on rentre dans le jardin, avec cette grande perspective sur les grandes allées, et avec la grande galerie de l'évolution en paysage de fond, on a cette statue imposante, Lamarck dans une position très réflexive, et marqué devant, donc au fondateur de la doctrine de l'évolution, histoire que les choses soient bien claires. Un exemple qu'on a sous les yeux, c'est pour ça que c'est pas mal d'arriver là, il y a une bestiole un peu particulière, qu'on peut voir devant, ici, là, ce qu'on appelle un axolotl. Alors, c'est une salamandre du Mexique. Donc, cette bestiole, elle vit dans l'eau, avec ses branchies, et elle passe sa vie en restant à l'état larvaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut quand même y avoir, tout à coup, un changement de développement de cet animal en réponse à des contraintes environnementales. Notamment si la mare dans laquelle elle évolue commence à s'assécher, et bien elle va se transformer. Donc la pression de l'environnement va induire une modification de l'expression de ses gènes qui fait qu'elle va finalement laisser tomber ses branchies pour développer des poumons et être capable d'acquérir une capacité à la vie terrestre. Et ça, c'est assez fascinant, parce que c'est vraiment une transformation fondamentale de l'organisme tout entier, sous pression environnementale. Alors, bon, Christophe, là, quand même, pour en finir avec la marque, en quoi sa recherche lui permet de faire des hypothèses et qui ont quelque chose à voir avec l'épigénétique? Voilà, pour en finir avec ce formidable loser. Justement, le lien est pas forcément évident. On caricature souvent d'ailleurs la pensée lamarckienne, ce qui était utilisé à l'époque pour se moquer de lui d'ailleurs. Il avait cette idée, voilà, la girafe, elle a un long cou parce qu'elle tire sur son cou pour atteindre les feuilles d'acacia qui sont les plus hautes, et à force de tirer sur son cou, et ben son cou s'allonge, et puis ses descendants ont un cou plus long. Et ça, c'est une vision un peu caricaturale. Lamarck n'a jamais prétendu que la girafe tirait sur son cou pour avoir des descendants qui avaient un cou plus long. Ce qui est intéressant, c'est cette résurgence de la pensée lamarckienne, c'est beaucoup plus fondamentalement l'importance de l'environnement sur la vie d'un organisme et éventuellement sur la vie des descendants de cet organisme. Donc c'est vraiment cette idée d'influence de l'environnement. Lamarck, c'est la porte ouverte à cette influence. C'est de se dire, voilà, chaque organisme va vivre dans un milieu donné, et ce milieu donné interagit directement avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'expression des gènes. Voilà. Et c'est ça, c'est cette pensée-là, cette importance, cette influence de l'environnement qui fait que cette pensée lamarckienne est revenue sur le devant de la scène en disant, voilà, un œuf de tortue, suivant la température à laquelle il est incubé, ben, ça va donner un mâle ou une femelle. La génétique ne permet pas d'expliquer ça. Et donc c'est l'épigénétique qui permet aujourd'hui de se dire que c'est possible et que ça survient comme ça. Derrière la statue, là on est situé donc derrière le socle, on a quelque chose d'intéressant. Lamarck est de nouveau représenté, assis, et sa fille, debout devant lui, avec un geste, la main sur l'épaule, presque pour le consoler finalement, et marqué en dessous, la postérité vous admirera, elle vous vengera, mon père. Ça montre bien que on est sans doute passé à côté, et Lamarck de son vivant a été assez peu reconnu pour ses travaux. Et d'ailleurs, il est mort aveugle ici, là, dans sa maison qu'il habitait en face de la Grande Galerie, enterré dans la fosse commune du cimetière Montparnasse. Donc aujourd'hui, ses os sont quelque part dans les catacombes. Et ça montre bien le peu d'égard qu'on avait finalement pour ce personnage qui n'a jamais été un habile politicien et qui a passé un peu sa vie à faire des collections, à comprendre ce qu'il pouvait en tirer, à écrire des ouvrages très imposants, mais finalement pas très bien écrit. C'est vrai qu'il a une écriture qui est un peu lourde, qui n'est pas du tout sexy, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, si on interroge les gens, c'est quand même Darwin qui sort bien avant Lamarck. Hein. Donc notre unité, elle s'appelle BRID, pour biologie de la reproduction, environnement, épigénétique et développement. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, c'est ça. BRID, ça fait appel à l'élevage. Donc comme on est à INRAE, c'est vrai qu'on travaille autour de l'agronomie, donc, et en particulier ici en physiologie animale, sur tout ce qui va être élevage. Donc on va prendre l'escalier. de notre concours photo, le Bonheur est dans le pré. Vous voyez. Donc un labo un peu humoristique. Oui, bah, c'est souvent la INRAE aime bien les acronymes. Alors du coup, on fait tout en acronyme et on essaye de faire des acronymes un peu sympas quand même. Ça nous change, voilà. Ça nous améliore un peu le quotidien. Avant de cogner à la porte d'une ou d'un scientifique qui a fait une quinzaine d'années d'études supérieures, croyez-moi, il faut être raisonnablement ignorant. Alors, révisons un instant notre génétique pour les nuls. Notre patrimoine génétique est conservé à l'intérieur du noyau de chaque cellule de notre corps. Nos gènes, cryptés à l'aide de quatre petites molécules appelées A, G, C, T, se répartissent le long d'un filament en forme d'hélice, l'ADN, qui compose une grande partie des chromosomes. L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes, dont la longueur atteint environ 2 mètres. Certes, tout cela est microscopique, mais quand même 2 mètres dans le noyau d'une cellule, ça fait long. La nature est bien faite qui a enroulé ces 2 mètres de filaments en pelote autour d'une petite bobine, une protéine appelée histone. Bref, nos gènes sont rangés un peu comme dans une valise trop petite où chaque fois qu'on cherche une paire de chaussettes propres, il faut tout déballer. Or, justement, il existe dans nos cellules des petites molécules, les groupes méthyl, capables d'ouvrir votre valise aux gènes coincés, de les ranger autrement et de la refermer. Cette action s'appelle la méthylation de l'ADN. Et ça change tout. Considérez à présent que vous avez passé un DEUG express en biologie et emboîtons le pas. Dane Gabory et Claudine Junien, biologistes à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Ben, on arrive dans une salle laboratoire, hein, donc plein d'instruments centrifugeuses, je pense, agitateurs. Des éprouvettes en verre, de toute taille, des grandes, des moyennes, des petites, des bocaux avec des bouchons colorés. Tout un code d'éprouvettes petites rangées dans des bacs avec des bouchons de couleurs différentes. Des fioles avec des produits, des bocaux, des accessoires assez bien rangés. C'est vraiment la pipette. Et en particulier, nous on a des pipettes avec des tout petits volumes. Qui prélève entre 0,2 et 2 microlitres, c'est vraiment notre matériel de base. C'est votre Colt, votre revolver pour... La pipette, c'est... Voilà, on dégaine la pipette. C'est vraiment... L'épigénétique, c'est de la biologie moléculaire. C'est un petit peu comme de la cuisine. On a un protocole, une recette. On suit cette recette. Je parlais du chipsec tout à l'heure. On suit cette recette et avec nos instruments qui sont comme le fouet dans la cuisine. On va vraiment pouvoir travailler cet ADN, extraire l'ADN, extraire la chromatine, le travailler et voilà. C'est grâce à ces instruments-là en particulier, la pipette, le cône et le tube. C'est absolument essentiel chez nous. Il faut nous donner une définition. Alors je sais qu'elle est toujours difficile à faire sur l'expression méthylation de l'ADN. Alors en fait, c'est assez simple. Oui, ça peut vous surprendre. En fait, c'est assez simple. L'ADN, c'est une petite assemblage de quatre acides nucléiques. Donc on appelle G, T, A et C. Et en fait, la cytosine, peut exister sous plusieurs formes. C'est-à-dire soit elle existe sous sa forme cytosine, soit elle existe sous une forme cytosine sur laquelle il y a une toute petite molécule qui est placée, le groupement méthyl. Donc c'est juste CH3, un carbone et trois hydrogènes qui se placent sur la cytosine. En fait, la cytosine, ça ne va pas modifier l'ADN, par contre ça va modifier la façon dont l'ADN interagit avec les protéines dans le noyau. Et c'est grâce à ces protéines qui se fixent sur l'ADN méthylé qu'on va pouvoir ouvrir la chromatine, permettre l'expression des gènes ou fermer, au contraire, réprimer l'expression des gènes. C'est la définition même de l'épigénétique, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent l'expression de certains gènes ou au contraire la répression de certains gènes, c'est-à-dire au final l'existence de comportements, d'aspects d'un individu vivant. Oui, tout à fait. En fait, dans tous les noyaux de toutes les cellules de notre corps, on a la même information génétique. Et pourtant, on a ce qu'on appelle des phénotypes, donc des caractéristiques différentes. Une cellule de cerveau n'est pas la même chose qu'une cellule de foie, de rein, de peau. Et ça, ces caractéristiques-là sont permises par la sélection de l'information génétique. Et celle-ci se fait par l'architecture de la chromatine, donc comment l'ADN est organisé dans le noyau. Et il peut y avoir des régions ouvertes, des régions fermées. Et donc ça va sélectionner le nombre de gènes et leur quantité d'expression. Et c'est ça qui va permettre à chaque cellule vraiment d'avoir son identité. Ça, l'identité des cellules, c'est vraiment une notion qu'il y a dans la définition de l'épigénétique. C'est-à-dire que quand on a dit qu'une cellule de base devient une cellule du foie, cette cellule de foie se divisera ensuite en cellule de foie. Elle gardera l'information initiale, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Dans la notion d'épigénétique, en fait, il y a vraiment la notion de destin cellulaire. Et puis la notion de mémoire de ce destin cellulaire, c'est exactement ça. Bon, et alors c'est donc tous ces marqueurs que vous allez agir, étudier de manière à comprendre des possibilités et des conséquences que l'environnement peut avoir sur le destin de ces cellules. C'est exactement ça. Au cours de notre développement embryonnaire, donc, la mécanique épigénétique se charge de fournir à nos cellules l'uniforme du régiment auquel elles appartiennent. Foie, cerveau, rein, peau, etc. Mais l'intuition de Lamarck, aujourd'hui explorée par les chercheurs, est que cette capacité de l'épigénétique à faire jouer certains gènes plus que d'autres, à orienter le destin de nos cellules, cette capacité n'est pas indifférente à la qualité du monde dans lequel nous vivons, à la qualité de la relation que nous avons avec le monde dans lequel nous vivons. Lamarck, le loser, ferait-il son comeback ? Alors, on en était à chacun a sa définition de l'épigénétique. Bah, allez-y. Donc moi, pour moi, c'est les modifications chimiques sur l'ADN, épi, ça veut dire sur en grec. Et c'est sur l'ADN, mais c'est aussi sur les histones. Les histones, c'est les protéines autour desquelles s'enroule l'ADN dans le noyau et qui forment ce qu'on appelle la chromatine. Et donc, il y a des modifications, ces modifications épigénétiques, elles sont apportées par ce qu'on appelle une machinerie épigénétique. Et selon les types de modifications qu'on ajoute ou qu'on enlève, on va avoir une chromatine, c'est-à-dire la totalité, donc ADN plus histone, on va avoir une chromatine qui va être ouverte ou fermée. Et on sait depuis quelques années que quand la chromatine est ouverte, ça va permettre l'expression du gène qui est dans cette région, et quand elle est fermée, au contraire, ça va empêcher l'expression du gène. Et ce qui est très intéressant là, c'est que vous avez une différence entre... Qu'est-ce que c'est que la génétique et qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? La génétique, c'est quelque chose, entre guillemets, immuable. C'est la séquence qui apporte le message. Mais le message, il faut qu'il soit traduit. Et il faut qu'à partir de l'ADN, on puisse synthétiser des protéines. Et c'est cette différence donc entre génétique et épigénétique qui fait qu'à partir du message qu'est la génétique, on va pouvoir, par l'épigénétique et par les facteurs environnementaux qui vont modifier sa conformation, on va pouvoir modifier l'expression des gènes. Donc pour moi, c'est un grand mot-clé, expression des gènes, et les facteurs environnementaux qui vont agir, et en particulier la nutrition, par exemple, tout ce qu'on mange tous les jours. On a des cycles où on est en train de métaboliser les aliments qu'on a consommés, et puis des sites où on est au repos. Et tout ça, ça va modifier des expressions de gènes au cours de la journée, mais aussi au cours du temps. Donc il y a vraiment une différence entre ce qui s'est passé in utero et je dirais même au cours des 1000 jours, qui vont être des différences épigénétiques stables, pas forcément réversibles. Mais les autres, celles qui se produisent au cours de la journée et en fonction de facteurs environnementaux, elles sont plus ou moins réversibles. Donc ça ouvre des perspectives de pouvoir agir sur quelque chose, alors que la génétique, on ne pouvait pas. Donc c'est ça aussi qui est une révolution. Mais il ne faut pas croire non plus que l'épigénétique est réversible tout le temps. Ça dépend des régions, ça dépend des motifs. AGA, TTA, CCA, TAC, CAT, TGA, GCA, ACT, CTC, TTG. Ce qui nous intéresse dans cette unité, qui est une unité de biologie du développement, c'est de voir comment l'environnement va pouvoir modeler en fait cette mise en place des marques épigénétiques au cours de la différenciation et permettre donc à cet environnement en fait d'agir sur les caractéristiques de l'individu. Alors, en ce qui me concerne, je travaille dans le département d'alimentation humaine, donc on s'intéresse à la façon dont l'alimentation peut agir sur l'épigénome. En particulier, je m'intéresse à l'alimentation de la mère, à l'alimentation obésogène et les effets que ça peut avoir sur la descendance pour la prédisposer elle-même à l'obésité. Mais on s'intéresse aussi à des caractéristiques qui sont plutôt positives, et en particulier tout ce qui va être agronomie, comment l'environnement pendant la période de développement peut au contraire permettre d'améliorer les caractéristiques des animaux d'élevage ou d'améliorer le bien-être animal, ce qui est une question assez importante aujourd'hui. Et ça, c'est un concept qu'on appelle One Health, c'est-à-dire comment, en fait, à la fois l'alimentation, la santé humaine et la santé de l'animal peuvent être considérées comme une seule santé et être ensemble. C'est vraiment un concept qui est au cœur d'INRAE, en fait, et qui est important dans nos recherches. Comment prouver que ce qu'on mange agit sur l'expression ou la répression de nos gènes ? Comment démontrer que la malbouffe, par exemple, nous conduit tout droit dans le mur du diabète, de l'obésité, de l'hypertension, en secouant notre cocotier épigénétique ? Il faudrait pour cela faire s'empiffrer des volontaires de burgers, de kebabs et autres plats ultra transformés pendant des années. Et bien que les volontaires ne manqueraient pas, c'est éthiquement impossible. Impossible, oui, avec des cobayes humains, mais avec des souris. C'est exactement ce que s'est dit l'équipe d'Anne Gabory. Dans le cas de nos études, on travaille sur des souris qu'on appelle des souris C57 Black 6. Et ces souris-là sont clonales, en fait. C'est-à-dire qu'elles ont toutes un génome identique. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de donner à manger un régime obésogène à ces mamans souris et ensuite les faire se reproduire avec des mâles et de comparer chez les descendants quelles sont les marques épigénétiques qui sont associées à l'alimentation maternelle obésogène par rapport, en les comparant, à des souris donc génétiquement identiques mais qui ont reçu un aliment contrôle. Et de cette façon-là, on a pu déjà observer que dans l'embryon, on avait une modification des gènes associés à l'acétylation des histones. Donc il semble vraiment que ce régime obésogène maternel agisse sur cette voie particulière qui est donc de placer ou d'enlever un petit groupement acétyl sur les histones. Alors, je comprends qu'on puisse avoir un engouement pour l'épigénétique parce que si je traduis de manière un peu vulgaire ce que vous êtes en train de me dire, je comprends que, en gros, on échappe ou on peut échapper à son destin génétique. Parce que sa génétique, son génome, on l'a, on l'a pas choisi, il nous tombe dessus à la naissance. Mais là, il y aurait en plus, et heureusement, l'épigénétique qui permettrait d'échapper à ce que notre génome nous conduirait à devoir absolument vivre en nous prédisposant à plein de choses. Est-ce que cet emballement, cet intérêt pour l'épigénétique tient aussi de cette notion-là d'échapper à son destin ? Bon, moi je suis généticienne, Bon, donc, dans la sphère de la génétique, on continue à s'intéresser justement aux traits de caractère, aux traits par rapport à certaines maladies ou des choses comme ça. On continue à s'intéresser uniquement à l'aspect génétique. Mais on s'aperçoit qu'il y a toute une partie qui ne répond pas à la génétique. Donc, il manque quelque chose. Et le quelque chose qui manque, c'est l'épigénétique, mais probablement pas que. Hein. Mais pour l'instant, on peut dire qu'il y a à peu près, pour faire les choses vraiment grosso modo, il y a à peu près 50% de génétique et 50% qui seraient liés à l'épigénétique par l'intermédiaire de l'environnement. Puisque c'est vraiment la partie qui manque, et donc le quelque chose qui manque, c'est l'environnement qui agit avec le génome par le biais de l'épigénétique. La génétique étant en principe immuable, les mutations, ce qu'on appelle les épimutations, c'est-à-dire des mutations épigénétiques, les épimutations, on devrait pouvoir les atteindre. Mais on en est au tout début, là. On sait que, par exemple, en faisant varier des régimes chez la souris, on peut effectivement faire varier certaines marques épigénétiques. On sait qu'il existe des substances qui interfèrent avec la machinerie épigénétique et qui peuvent être des inhibiteurs d'acétylation ou des inhibiteurs de méthylation. Et donc, on va pouvoir agir. Mais on n'est pas encore très ciblé, loin de là. Hein. Et si on met des animaux en contact avec un régime vraiment drastique pour voir les effets, on voit bien que ça va agir aussi sur d'autres facteurs. Donc, transposer ça à l'homme, c'est très bien, par exemple, quand on recommande aux femmes qui veulent avoir un bébé d'avoir un régime riche en folate, acide folique. L'acide folique, c'est ce qui va permettre d'éviter certaines anomalies comme les anomalies de fermeture du tube neural. Et donc si on donne un régime riche en folate aux femmes, il va y en avoir une certaine proportion qui va éviter ce risque de malformation pendant le développement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ciblé et qui montre que ça marche. Mais on n'en est pas encore là pour tous les domaines. Quand on est chercheur en épigénétique et nutrition, comme Christophe Lavelle, on ne peut pas se contenter de dire « mangez bien, vous irez mieux ». Il faut titiller l'épigénome, plonger dans les mécanismes moléculaires à l'œuvre après le coup de fourchette. On suspecte que ce chercheur en sait plus qu'il ne le dit. On décide alors de le faire passer à table. Ça nous amène quand même à la deuxième raison qui motive notre rencontre aujourd'hui et notre deuxième rendez-vous après la marque, c'est-à-dire la visite d'une cuisine, d'un restaurant particulier. En fait, on a vu que l'épigénétique, notamment, c'était cette science qui permettait de comprendre comment on passait du génotype au phénotype et comment l'environnement avait une influence sur justement cette mise en place d'un phénotype correct ou pas. Notre environnement, c'est quoi ? C'est l'air qu'on respire, donc éventuellement la pollution, ça va être notre activité physique, le stress et bien entendu l'alimentation, qui est, j'ai envie de dire, c'est quand même l'élément principal justement de notre environnement, parce que c'est quelque chose qu'on ingère, donc ça a une interaction très forte avec notre organisme. Dans notre alimentation, on va trouver des calories, bien sûr, donne de l'énergie, mais aussi tout un tas de qu'on appelle de micronutriments, les vitamines, les minéraux, oligo-éléments, etc. Et tout ça va être transformé dans notre corps et participe à notre métabolisme. Et on sent qu'on a un levier énorme pour établir des changements pour le meilleur et pour le pire, hein, j'allais dire. C'est qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est la cause de nombreuses pathologies, qu'on appelle les pathologies métaboliques, hein, encore une fois, diabète, obésité, cancer et autres. Et à l'inverse, on va aussi se dire, oui, mais alors est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui pourraient nous protéger contre ces différentes pathologies et des choses qu'on va trouver dans notre alimentation avec des nutriments qui seraient particulièrement intéressants à aller chercher dans notre alimentation, y compris justement pour se mettre dans des conditions où les cellules vont pouvoir établir un profil épigénétique correct et un métabolisme qui relève du métabolisme d'un corps en bonne santé avec une bonne acétylation des histones, une bonne méthylation de l'ADN aux bons endroits. Tout cela, bien sûr, avec des mécanismes qui nous restent à déchiffrer, mais dans lesquels on commence à tirer les ficelles et à passer ce qu'on appelle d'études de corrélation, où on va observer A, on va observer B, et on va se dire, il y a peut-être un lien entre A et B, à l'étude de causalité, qui est de se dire, oui, il y a un lien, et la preuve, je l'ai démontré, et je l'ai démontré à l'échelle moléculaire. Une démonstration ne peut se faire dans le vivant qu'à l'échelle moléculaire, c'est de se dire, oui, effectivement, quand je mange du chou, j'avale des sulforaphanes, et les sulforaphanes, elles participent aux voies métaboliques qui régulent la méthylation de l'ADN. Peut-être quelque chose qui se passe, qu'il va falloir comprendre dans le détail, mais manifestement, il y a quelque chose d'important là-dedans. Très bien. Bon, alors, je propose qu'on aille acétyler nos histones, c'est-à-dire, c'est une autre façon de dire on va aller manger, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit entre nous. Prendre un déjeuner trop léger, on dirait que le vent me soulève. Papy, allez, je m'envole. Vous voilà prisonnier de mon terrible rayon magique. Tonnerre et quelle réalisation. Je comprends l'infernale manigance de ma vieille ennemie. Notre organisme est saturé de fer grâce aux épinards. Alors elle nous attire à distance avec son ferrocapteur géant. On est à 15 minutes à pied du Jardin des Plantes. D'ailleurs, on a fait le chemin, ce qui nous permet de préparer aussi, de s'ouvrir l'appétit. Alors, ça veut dire quoi, bien manger? Ça veut dire, premièrement, et je fais exprès de mettre ça en premier, se faire plaisir. Parce qu'il y a quand même, on demande beaucoup aux scientifiques un discours sur les enjeux sanitaires, écologiques, etc., de l'alimentation, ce qui est très important. Et donc, on est là pour se faire plaisir tout en, quand même, ayant une attitude responsable vis-à-vis de notre corps déjà et puis de l'environnement. Jocelyn, là, j'imagine nous parler un peu de ce qui va nous préparer. C'est quand même très végétal ici. On a en ce moment là, c'est du navet, c'est navet, agrumes et canards. Le salsifis, c'est salsifis, cacao et Saint-Jacques. Puis on a une entrée à base de carottes et de garum. C'est en gros une fermentation de poisson. Il y a aussi dans la cuisine et dans l'intérêt pour la santé et puis le lien avec l'épigénétique, tous les procédés, c'est-à-dire les fermentations, les distillations, les cuissons, les ébouillantements. C'est ça aussi qui rentre en jeu. C'est ça qui rentre en jeu avec, comme toujours, ce qui est difficile, c'est la juste mesure. Aujourd'hui, ce qui est très décrié, par exemple, c'est ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Or, la cuisine, c'est de la transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de cuisine, il y a juste de l'alimentation. Ce que faisaient nos ancêtres très très très éloignés, nos ancêtres primates, qui cueillaient, manger, éventuellement chasser, en un sens, attraper un mulot. Ça, c'est de l'alimentation, c'est pas de la cuisine. Pour qu'il y ait de la cuisine, il faut qu'il y ait une action de transformation avant ingestion. Et donc, ça veut dire, effectivement, on va broyer, on va écraser, on va faire sécher, on va cuire, tout ça. On modifie l'aliment avant de l'ingérer. Et la question est de se dire qu'est-ce que ça peut apporter, est-ce que c'est bon, pas bon. De manière générale, la cuisson, ça augmente l'acceptabilité, la digestibilité des aliments, donc ça a été un facteur positif dans l'évolution. Ça peut aussi améliorer la biodisponibilité de nombreux nutriments. Par exemple, si je prends de la tomate, on va dire « Ah, ben, c'est intéressant, il y a des lycopènes dedans ». Ben oui, mais si je fais cuire ma tomate et que je fais une sauce tomate, il y a encore, non pas plus de lycopènes parce que la molécule ne peut pas se multiplier, par contre, elle est plus accessible. Et qui est censée être, par exemple, une molécule justement anti-cancer pour son rôle sur les mécanismes épigénétiques. Mais bien sûr, il y a l'excès inverse. Une surcuisson peut détruire certains nutriments, peut générer des composés toxiques. Donc tout est dans la mesure en cuisine. Et c'est aussi ça la démarche d'un bon cuisinier, c'est de réfléchir à tout ça. Salsifis, cacao et noix de Saint-Jacques. Bon appétit. Et la sauce Salsifis. C'est un jus de salsifis. C'est comme un jus de viande, mais qu'avec du salsifis, tout végétal. Tout est salsifis. Exactement. Bon, Christophe, on vient de pas terminer le repas, mais quand même on l'a largement entamé. Donc c'est plein de choses délicieuses, très goûteuses, un peu particulières. Qui nourrissent le corps et l'esprit. Voilà. Y a-t-il un lien entre ce qu'on mange et notre génome, ou notre épigénome ? On est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a sûrement quelques aliments mutagènes, hein, quelques toxiques dans les aliments, qui peuvent avoir un rôle délétère au niveau de l'ADN lui-même, c'est quand même rarissime, mais ça existe. Mais ça, on va mettre ça de côté, on va plutôt s'intéresser vraiment à l'interaction entre alimentation et donc nutriments et expression des gènes, ce qu'on appelle la génétique nutritionnelle. Et la génétique nutritionnelle, elle fait vraiment ce lien à double sens entre gènes et nutriments, enfin expression des gènes et nutriments. À savoir, d'un côté, on a ce qu'on appelle la nutrigénomique, qui est vraiment l'étude des mécanismes qui permet de comprendre comment justement certains nutriments peuvent modifier l'expression des gènes. Et de l'autre côté, dans le sens, on a la nutrigénétique, qui est au contraire l'étude en quoi notre patrimoine génétique et son expression nous préparent à métaboliser plus ou moins bien certains types d'aliments. Autrement dit, si je veux comprendre l'influence, par exemple, de mon alimentation sur l'apparition des cancers, c'est de la nutrigénomique. Parce que, tiens, le fait de manger beaucoup d'antioxydants, ça va me protéger. Le fait de manger beaucoup de charcuterie, parce que c'est riche en nitrites, ça va peut-être favoriser les cancers du côlon, etc. Donc là, on est dans la nutrigénomique. Par contre, si je suis dans une approche de nutrition personnalisée, dire tiens, moi, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange pour être globalement en bonne santé ? On pourrait imaginer qu'en analysant tout ça, on me dise, bon ben toi, suivant ton profil génétique, il faudrait mieux que tu manges tel type d'aliment, tant de protéines, tel oligo-élément, etc. Parce que ça serait associé à mon patrimoine génétique. Ça, ça relève encore un peu du fantasme, hein, pour l'instant. C'est-à-dire que tous ces éléments qui ont une action sur l'expression de nos gènes ont donc une action sur notre état de santé, notre état de bien-être. Oui, et à tel point que quand on cumule toutes ces études, on a des estimations qui nous amènent à considérer que plus d'un tiers des cancers sont aujourd'hui sous dépendance directe d'un déséquilibre alimentaire. Autrement dit, si on connaissait vraiment les bonnes clés, qu'on changeait drastiquement nos régimes, on pourrait du jour au lendemain éliminer un tiers des cancers. De la même manière qu'en arrêtant le tabac, on élimine aussi un tiers des cancers. Je reviens sur l'hypothèse qu'on s'est faite tout à l'heure, Christophe, c'est que si on établissait notre génome et qu'on y détectait, je dirais, un terrain favorable, des désordres épigénétiques, et qu'on puisse les corriger, ça inciterait à demander à des gens, voire à exiger... Si je suis son assureur, si je suis son assureur de santé, à suivre oui. un régime. Alors, on n'y est pas encore, mais on prend cette direction-là avec justement toutes ces études qui font justement ce lien entre le patrimoine génétique et la prédisposition à certaines maladies, y compris une prédisposition partiellement héritable. Hein. Avec cette idée effectivement que vous mentionnez, qu'on pourrait, par notre alimentation, corriger ce patrimoine génétique un peu défaillant. Et donc, par exemple, les gens qui seraient identifiés comme étant particulièrement sensibles à l'ostéoporose, on va leur suggérer une alimentation enrichie d'un certain type d'aliments qui vont apporter le calcium nécessaire pour lutter contre l'ostéoporose. Et tout ça est en train d'arriver petit à petit, mais en même temps, ça nous met dans une position d'une alimentation très calculatoire. On va limite devoir avoir un tableau Excel sous les yeux pour choisir comment manger. Alors que, avant de songer à des techniques pour soigner ce type de pathologie par l'alimentation, le côté préventif est quand même bien plus efficace. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce côté préventif est en fait très accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses compliquées à mettre en place à l'échelle globale d'une population. La clé, c'est, on peut résumer en disant, un peu de tout. C'est-à-dire que c'est une alimentation à la fois variée et frugale. Je sais. Ce qu'on a mangé, là, ce déjeuner qui nous a été préparé par Jocelyn, est-ce que c'était conforme à justement une alimentation qui nous met dans des bonnes dispositions épigénétiques, entre guillemets? Alors, on a vu que la clé, c'était une variété, et surtout une variété issue du monde végétal. Puisque c'est dans ce monde végétal qu'on va trouver les composés que j'ai mentionnés, là, tous les antioxydants, tous les polyphénols, toutes ces choses qui sont bonnes dans notre alimentation. Et j'insiste sur le « dans notre alimentation » parce qu'il y a le piège, une fois qu'on a identifié ces molécules, d'aller les chercher dans des compléments alimentaires. Et ça, on voit que ça ne marche pas. L'lycopène, comme mentionné tout à l'heure, qui est un antioxydant qui est présent dans les tomates et qui est bénéfique dans notre alimentation, notamment pour lutter contre le cancer de la prostate et de choses comme ça. J'ai aucune raison d'aller acheter très cher en pharmacie ou sur Internet des gélules de l'lycopène. Aucune étude n'a montré un quelconque effet. Donc il faut quand même bien penser à ça, et malheureusement le grand public n'a généralement pas du tout cette information-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée magique de prévention, on dira je vais ingurgiter un maximum de pilules dans lesquelles je trouve un maximum de nutriments et comme ça je vais me protéger. Et il faut répéter que ça ne marche pas. En fait il y a deux grandes niches pour les entrepreneurs sur cette sphère de la nutrigenomique. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un marché énorme de gens qui vont acheter des antioxydants à n'en plus finir, des vitamines à n'en plus finir. Et puis, il y a aussi la niche proposée aux gens des profils, faire leur profil génétique pour leur vendre une nutrition personnalisée. Donc, on est vraiment dans, je ne vais pas dire l'arnaque, parce qu'il y a quand même quelques études un peu sérieuses qui sous-tendent ces démarches-là, mais on vend beaucoup de rêves, plus que du rêve que de la réalité pour le moment. Suivez mon conseil. Sur le net, acceptez toujours les cookies espions. En tapant le mot « épigénétique », frénétiquement pendant des semaines, les cookies m'ont ciblé comme une proie potentielle d'une offre à laquelle je n'ai pas su résister, la cure épigénétique. Si faire mal bouffer les souris et en constater les dégâts épigénétiques, c'est astucieux, Serge Fourcade, 25 ans de thalassothérapie dans la besace, a imaginé l'expérience inverse, nourrir aux petits oignons sa clientèle, arroser dans la journée de soins d'eau de mer avec vue sur la côte de Nard. C'est Lucie à l'accueil de la thalassothérapie de Cabourg. Vous aviez demandé à ce qu'on vous recontacte pour réserver une journée de soins. Je vous laisse revenir vers nous au 0250. Voilà, donc à partir d'ici, on rentre dans la zone humide avec d'un côté effectivement le bassin ludique avec toutes les activités du bord de l'eau pour pouvoir bien profiter. Et puis ensuite, on va vers les zones de soins. Dans chacun des pôles, on va retrouver l'ensemble des soins d'hydrothérapie. Les bains, les douches à jet, les enveloppements d'algues. Et puis là, on va se diriger vers le bureau de Nadine. Nadine qui est notre diététicienne et que vous allez pouvoir rencontrer. C'est elle qui va vous recevoir et vous parler de comment elle met en place l'épigénétique au niveau de la diététique. Donc, moi je suis la diététicienne, je suis là pour vous accueillir et vous accompagner pour la cure épigénétique. A priori, est-ce que vous avez vu déjà le médecin qui vous a expliqué les différents piliers ? Non, pas encore. Non, pas encore. C'est-à-dire, l'idée en fait, c'est ce que va vous remettre le médecin, petit recueil qui va mettre en place, si vous voulez, les différents piliers que vous allez pouvoir suivre au cours de cette semaine, à savoir par exemple la détente avec les soins et puis également le travail d'un sophrologue. Vous allez avoir également l'aspect activité physique, je dis bien physique et pas sportive, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir bouger. Enfin, nous avons ainsi 5 piliers. Moi je travaille sur le pilier alimentation saine et durable afin que vous puissiez vous porter le mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà. On y va. Donc je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez des soucis digestifs, des problèmes de transit par exemple? Est-ce que vous avez des intolérances, des allergies alimentaires? J'aimerais connaître un petit peu votre rythme de vie. Ensuite, j'aimerais savoir si vous êtes plutôt sucré et si vous mangez à heure régulière par exemple. Si vous avez tendance à manger vite, lentement. Qu'est-ce que vous prenez, justement? Et vous n'avez pas de baisse d'énergie ou envie de grignoter dans l'après-midi? Serge, ici, on est juste devant la mer, hein, devant une baie vitrée formidable, dans un centre de thalassothérapie. Et puis dans ce centre de thalassothérapie, il y a quelque chose de neuf qui est tombé du ciel, qui s'appelle l'épigénétique. Maintenant, il y a une cure épigénétique. Comment vous en êtes en partie responsable? Pour ma part, j'ai une formation en hydrothérapie, donc je pratique tous les soins à base d'eau de mer, puisque c'est quand même le cœur de notre métier. La mer, les bienfaits de la mer et le milieu marin, à travers les bains bouillonnants, les enveloppements d'algues. Et ensuite, moi j'ai aussi une formation en ce qu'on appelle les médecines parallèles, tout ce qui est énergétique. Et puis, parce que aussi je suis bouddhiste et pratiquant de méditation, et notamment de méditation de pleine conscience, j'ai fait une formation qu'on appelle MBSR, à la gestion du stress par la pleine conscience, je me suis intéressé justement aux bienfaits de la méditation sur le corps, et il s'avère que ces bienfaits de la méditation et les études qui avaient été faites m'ont amené petit à petit vers l'épigénétique, ce mot qui semble un peu barbare, mais au final, quand on le décrypte, on s'aperçoit que ce sont des principes simples que l'on retrouve derrière l'épigénétique. Et notamment, j'ai découvert que nous avions un capital génétique qui nous était légué par notre papa, notre maman, mais que ce capital génétique, on pouvait l'exprimer différemment en fonction du style de vie que nous pouvions avoir au quotidien. C'est un peu comme une partition de musique, à vrai dire. Quand vous avez Mozart qui a écrit un morceau, ce morceau-là, des années après, il peut être joué par un orchestre symphonique et ça va être une vraie mélodie, ou il peut être joué par la fanfare du coin. Je n'ai rien contre les fanfares, mais ça peut être la cacophonie. Eh bien, c'est un peu pareil. Vous avez une partition, elle vous est léguée par votre père, votre mère, mais cette partition, la façon dont vous allez la jouer, ça peut être une cacophonie ou ça peut être une symphonie. Et vous avez avec vous 5 instruments qui sont le plaisir, le réseau social bienveillant, votre entourage qui vous accompagne, mais aussi et surtout la gestion du stress, une alimentation raisonnée et l'activité physique. Alors vous allez me dire, là on n'a rien inventé. Effectivement, on savait que ces facteurs-là peuvent être des facteurs dégradants pour notre santé et notre capital santé. Mais maintenant, grâce à l'épigénétique, on sait, entre guillemets, ce qu'il se passe dans notre corps. Ces fameux gènes qu'on peut allumer ou éteindre, exprimer ou réprimer, et qui vont faire qu'on va améliorer ce fameux capital santé. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir amener à tout un chacun un peu ses connaissances de la science, le rendre lisible par tous, que les gens puissent s'en emparer. Je me rappelle, dans les années 2000, on parlait des fameux 85% de gènes poubelles qui ne servaient strictement à rien. Et là, maintenant, c'est assez hallucinant de s'apercevoir que si, ils peuvent avoir un rôle, à nous juste de les allumer ou d'éteindre ceux qui sont plutôt néfastes pour notre santé. Voilà comment est né le projet. Et vous l'aurez compris, ce qu'on veut mettre en avant, c'est surtout ces fameux 5 piliers qui sont accessibles à tous. Encore une fois, donc la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, le réseau social bienveillant, pas celui qui est relié aux écrans, et puis le plaisir de vivre omniprésent. Parce que sans plaisir, on sait qu'on a de fortes chances de ne pas activer les bons gènes et plutôt d'allumer les mauvais. Ok, tenez pas, droite, gauche, boum, on revient. Allez, faut que ça aille plus. En me baladant incognito, c'est-à-dire en slip de bain, enveloppé d'un épais peignoir blanc siglé or et en claquettes de piscine, je constate que Serge Fourcade a fomenté une attaque en règle des épigénomes des curies, une tentative de correction épigénétique qui va bien au-delà de la nourriture. Tout y passe, le stress, la flemme sportive, les idées noires, la solitude. Entre un jus de spiruline et un barbotage dans la piscine d'eau de mer chauffée, un léger sentiment de honte m'envahit. Mon enquête s'est-elle diluée dans les délices du marketing épigénétique ? Je me promets de confesser au plus vite cet emballement épigénétique, cette faiblesse. L'épigénétique aujourd'hui garde encore un caractère magique, y compris pour les scientifiques. Hein. Magique dans le sens « je ne comprends pas hein. ». Le principe de la magie, c'est qu'il se passe quelque chose que je n'ai pas compris. Et ça, la science doit être décomplexée par rapport à ça. Il ne faut pas avoir peur de dire que la science avance pas par pas, se trompe régulièrement. La nutrition est une science bigrement complexe. Le métabolisme, c'est des centaines et des milliers d'acteurs à l'échelle moléculaire avec une variabilité interindividuelle absolument phénoménale. Donc, la science balbutie. On voit bien d'ailleurs, si on analyse en histoire des sciences et on fait un peu d'épistémologie, on regarde les discours nutritionnels des années 70, des années 90, aujourd'hui, bah on change de discours. Par exemple, je ne sais pas si je vais prendre sur le cholestérol, ah, années 70, arrow sur le cholestérol, etc. Puis 20 ans plus tard, on dit manger du beurre parce que il y a l'acide butyrique et puis c'est bon. Puis en fait, le cholestérol, ce n'est pas très, très influencé par l'alimentation. Donc on va changer de discours. Et d'une certaine manière, les cultures populaires se nourrissent de ces hésitations de la science et les utilisent parfois à mauvais escient pour vendre du vent. Et l'épigénétique, une espèce de grande boîte noire qui apparaît comme quelque chose d'un peu mystérieux, mais qui serait à même de pouvoir contrôler nos vies. Et voilà, c'est un peu un mot valise, un mot fourre-tout qu'on va utiliser pour vendre des pseudo-bienfaits en disant bah, ça, tel médicament, un rôle épigénétique, on ne sait absolument pas de quoi il s'agit, mais bon, et c'est un peu comme quantique en physique, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé avec des thérapies quantiques, voilà, parce que c'est pareil, c'est un mot, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, quantique, on ne comprend pas vraiment la physique, personne ne comprend la physique quantique, à part quelques cerveaux de physiciens un peu particuliers. Donc voilà, la quantique pour la physique ou l'épigénétique pour la biologie, ça relève un peu d'une espèce de domaine dans lequel on sent qu'il y a des choses assez fascinante qui se passe derrière tout ça, mais d'un autre côté, bah, il faut aussi savoir que ça correspond à un domaine scientifique tout assez sérieux dans lequel on avance pas par pas. En étant un peu optimiste, on peut se dire qu'effectivement, on va au fur et à mesure dérouler les chaînes de causalité, les mécanismes moléculaires à l'œuvre dans notre métabolisme et être capable de dire de manière de plus en plus robuste en quoi tel ou tel aliment a un effet bénéfique sur notre organisme. Les desserts sont arrivés, donc on aurait envie d'en finir, on aurait envie d'arrêter de se poser des questions, mais il m'en reste une, qui est celle de confondre l'épigénétique avec la possibilité d'échapper à notre destin. Oui. Alors est-ce que l'épigénétique, ça va nous permettre d'échapper à notre destin ? Alors, il faut bien comprendre que pendant longtemps a perduré, et perdure encore aujourd'hui, ce mythe du déterminisme. On l'a vu avec la génétique, c'est-à-dire que toute l'excitation qui est dans les années 90, et notamment 1992, publication de la première carte intégrale du génome humain, qui 20 ans plus tard était republiée, c'est-à-dire il y a quelques mois, en fait, de manière vraiment intégrale, cette fois-ci, toute cette course au génome, c'est à relever d'une idée à l'époque, était de se dire, une fois qu'on aura lu tout l'ADN, qu'on aura compris tout l'ADN, on aura compris l'organisme, et donc on aura une clé d'action sur tout un tas de pathologies, y compris les dépressions, l'autisme, voilà, l'obésité, etc. Et puis bon, une fois qu'on a eu tout l'ADN en main, on dit que ben, en fait, on ne sait pas quoi en faire. On ne comprend pas comment il est utilisé. Ah, ben donc c'est l'épigénétique qui va nous sauver. Et donc, on va chercher à faire de la carte de l'épigénome, à savoir identifier toutes les modifications épigénétiques, le profil de méthylation de l'ADN, où sont tous les histones acétylés sur la méthyle K9, l'histone H3, etc. Bref, faire une carte épigénétique intégrale de nos génomes pour chaque type cellulaire, parce qu'on a vu que chaque type cellulaire avait un épigénome différent. C'est en train de se faire, donc on a des cartes épigénétiques sur différents types cellulaires. Mais là aussi, on se rend compte de la limite. C'est-à-dire que se dire, bah, malgré une carte intégrale, j'ai toujours pas compris comment vraiment ça fonctionne. J'observe quelque chose, mais je comprends pas vraiment la clé. Et pour l'obésité, on l'a vu d'ailleurs, l'obésité est partiellement transmissible. C'est-à-dire que si je suis obèse, j'ai une plus forte de chance d'avoir des enfants obèses. Parce que dans mes gamètes, je transmets un profil épigénétique qui va les prédisposer à l'obésité. Donc on va dire, mais merde, ils sont foutus, hein, un peu comme vous dites, ils sont destinés à être obèses, ça y est, c'est voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait aussi, c'est quand on subit la chirurgie bariatrique, qui permet de réduire l'estomac et donc, en général, capable d'induire aussi une perte conséquente de poids, 10, 20, 30, 40 kilos. Ce qui a été mesuré, c'est que les gamètes aussi sont modifiées. C'est-à-dire qu'en même temps que j'agis sur moi, mes descendants vont être moins prédisposés à l'obésité. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Mais une fois de plus, on ne parle que de prédisposition. Si je suis moi-même prédisposé à certains types de pathologies, effectivement, ce n'est pas une fatalité, ce qui est absolument miraculeux. J'utilise ce mot-là parce qu'on ne comprend pas encore les mécanismes. Une fois de plus, magie, miracle, tout ça, c'est quand on ne comprend pas les mécanismes. Hein. Quel que soit le patrimoine génétique et épigénétique dont on hérite, on a justement une marge d'action dans nos modes de vie pour éventuellement réverser certaines prédispositions dont on aurait hérité. Et ça, c'est beaucoup plus à voir du côté de l'éducation, de la culture, bref, d'un environnement. Donc, il faut garder en tête qu'on a quand même encore la main sur nos destinées, que la prédisposition, comme son nom l'indique, n'est qu'une prédisposition, et que tout cela respecte, on va dire, d'une certaine manière, le sacro-saint libre-arbitre. Donc oui, on va décider de nos vies et éventuellement ça a des implications sur nos descendants, mais eux-mêmes décideront de leur propre vie. On passe au dessert. On passe au dessert. C'était Épigénétique quand l'ADN fait son intéressant. L'épigénétique passe à table. Avec Christophe Lavelle, Anne Gabory, Claudine Junien, Serge Fourcade. Remerciements Mélanie Hamon, la table de Colette, Bérangère Niemann, Nadine, Marion, Virginie, Antoine, Sébastien, Cédric. Prise de son Romain Luquiens, Alix Barrois, Pierre-Henri. Mixage Benjamin Vignal. Documentalistina Delphine André. Stagiaire Malo Toquet. Attaché de production Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Une série documentaire de Franck Guvelier réalisée par Véronique Samouiloff.